Chapitre 18e, 3 mois plus tard. Le printemps n'était plus. Juillet arrivait, et avec lui arrivaient du ciel bleu les rayons vivifiants du soleil d'été. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'élection de Carlyle, et ces 3 mois n'avaient pas été stériles en événements. Au souvenir de son injuste conduite envers son fils, le juge R. avait eu une congestion cérébrale, à la suite de laquelle était survenue une attaque de paralysie. Il allait mieux, cependant. Il revenait peu à peu maintenant à la vie, mais il ne devait point recouvrer sa santé d'autrefois. La terreur que Jasper avait répandue dans Eastline, la nuit où elle vint si subitement y annoncer la maladie de son maître, avait produit de tristes résultats. William avait, cette nuit-là, attrapé froid, et la phtisie pulmonaire qui le minait lentement se révélait à présent plus terrible que jamais. Quant à Joyce, elle avait été tellement saisie, tellement bouleversée, que tous ses membres en tremblaient encore. Elle allait et venait comme une âme en peine, parlant peu, le yagar. Lui adressait-on la parole, elle tressaillait aussitôt d'épouvante, et un frémissement accompagné d'horripilation parcourait tous ses nerfs, l'empêchant de répondre. Carlyle et sa femme étaient actuellement à Londres. Avec eux se trouvaient William et Joyce et les autres domestiques. Dans tous les salons aristocratiques de la métropole, l'on ne s'occupait plus que de l'arrestation de Sir Francis Levison. Affy, pour en revenir un instant à elle, après l'interrogatoire qu'on lui avait fait subir, s'était trouvée en butte aux attaques plus ou moins acerbes et malveillantes des commères de Westline. Madame Latimer lui avait donné son congé, et n'était l'amour très ardent qu'elle avait su inspirer à M. Joe Jeffin, elle se serait trouvée sans protection sur la terre. M. Joe Jeffin, en véritable amoureux qu'il était, ne voulut pas ajouter foi aux nombreuses histoires qui se débitaient à présent sur le compte de sa bien-aimée. Bien plus, il fermait les oreilles pour ne rien entendre, et un jour, dans un moment d'attendrissement, il s'était hasardé à mettre aux genoux d'Affy son cœur et son magasin de comestibles. Or, par une chaude après-midi du mois de juillet, Affy promenait sa vanité, sa coquetterie et son ample crinoline à travers les rues de Westline. Joe Jeffin, en la voyant passer devant la boutique, se précipita à sa rencontre. « Ah, vous voilà donc, mademoiselle Affy, » fit-il avec tout l'élan d'un cœur fortement épris. « Tout marche selon nos souhaits. L'on est actuellement en train de réparer et d'organiser votre salon. Oui, mademoiselle, le papier est déjà collé et j'ai fait choix d'une délicieuse bordure imitant une torsade d'or. Vous devriez entrer un instant, mademoiselle, rien que pour jeter un coup d'œil. Moi, montez chez vous, y pensez-vous, monsieur Jeffin ? S'écria Fille en affectant une pruderie ridicule. Je n'ai pas voulu vous offenser, mademoiselle, se hâta d'ajouter le petit homme. Je vous pardonne, mais à l'avenir tâchez d'être plus circonspect. Ah ça ! J'espère que vous allez maintenant laisser de côté ces affreux tabliers blancs qui indiquent à tout le monde ce que vous êtes. » M. Jeffin se mit à tousser en baissant les yeux. « Mademoiselle Affy, vous savez combien je vous idolâtre, combien je désire me courber devant toute vos volontés. Mais ce que vous me demandez là, mademoiselle, c'est une chose impossible. Renoncer à mes tabliers, mais ce serait compromettre la dignité de ma culotte. » À l'ouïe de cette expression peu bienséante, Affy poussa un cri d'horreur et ses joues s'empourprèrent des teintes les plus vives de la pudeur. « Notez, mademoiselle, que je suis sans cesse occupé à servir du beurre, à peser du fromage, à couper du jambon et du lard. Et n'était-ce tablier protecteur que vous n'aimez pas, je graisserai mon linge, je graisserai mon gilet, et sauf votre respect, je graisserai, je le répète, le devant de ma culotte. »« Taisez-vous !» fit Affy de plus en plus choquée. « Vous allez à Lineborough demain matin, par le premier train, n'est-il pas vrai, mademoiselle ?»« Oui, moi et bien d'autres encore. Tout le monde sait cela. Le jugement doit commencer à 9 heures. » « Savez-vous ce qu'on dit à présent de Richard Hare ?»« Non, que dit-on ? On dit qu'il doit être jugé aussi. »« Ah, vraiment ?» s'écria M. Jeffin. « On l'a donc retrouvé ? Je n'en sais rien, et cela ne m'inquiète guère. »« Peu m'importe à présent lequel est le coupable de lui ou de Levison. Ils se valent l'un l'autre. Ce sont deux mauvais sujets, deux grenins fiéfés, que je ne voudrais pas toucher même avec des pincettes. » Ce disant, Affy prit congé de M. Joe Jeffin, qui lui lança son regard le plus tendre. Elle avait à peine fait quelques pas qu'elle se trouva face à face avec Carlyle. « J'ai appris que vous alliez vous marier, Affy, » fit ce dernier en l'arrêtant. « C'est du moins l'opinion de Jeffin, monsieur, mais il peut se faire que je change d'avis. Jeffin m'adore, c'est vrai, mais vous le savez, monsieur, il est à moitié fou. »« Il ne l'est pas qu'à moitié, » ajouta Carlyle en souriant. « Si j'en crois la rumeur, Affy, il l'est bien tout à fait, quand il vous voit. « Allons, ma fille, je vous félicite, vous avez choisi là un homme honnête et que l'on respecte. » « Oui, monsieur, mais épouser un marchand de comestibles, moi, j'avais toujours espéré faire un mariage plus en rapport avec mes goûts. Enfin, Jeffin s'est mis en frais pour me recevoir dignement. J'aurai deux domestiques et il me laissera libre de mon temps. Il fait beaucoup d'argent. Je le sais, Afi, et j'espère que vous serez économe et rangé et que vous ne mangerez pas tout l'argent qu'il gagne. Ça, c'est mon affaire, répliqua en minaudant la terrible coquette. Mais dites-moi, monsieur, ajouta-t-elle vivement, qu'est-il donc survenu à Joyce ? Je l'ignore, répliqua l'avoué d'un air triste et rêveur. Je ne sais ce qu'elle a, mais elle est bien changée. Changée au-delà de toute expression, continua Afi. Je le lui ai dit l'autre jour, et je lui ai dit qu'à la voir, on croirait qu'elle a l'esprit préoccupé et qu'elle a un poids sur la conscience. Cela me produit à peu près le même effet, interjeta Carlyle. Joyce est très discrète, elle sait garder facilement un secret, et j'aurais beau faire, elle ne voudra jamais me confier la cause de son étrange tristesse. Votre enfant va bien, monsieur ? Oui, tout le monde va bien, Afi. Allons, bonjour. Et ils se séparèrent.